الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اعلموا رحمني الله وإياكم أن من الآيات العظيمة النافعة للعبد التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى والتأمل في ذلك، فإن ذلك يزيد الإيمان ويقوي اليقين ويعظم الصلة برب العالمين. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن الآية العظيمة في هذا الكون التي تدعو إلى التفكر تنوع الفصل أو تنوع الفصول، وهي الربيع والصيف، الخريف والشتاء. وها قد دخلنا قبل قليل في فصل الشتاء، نستريح فيه من شدة حرارة الشمس، ومن نعيم الله سبحانه وتعالى علينا أن يأتي الشتاء تدرجا لا دفعة واحدة، إذ لو كان الأمر كذلك لتضرر بهذا الأبدان والأرض. عباد الله، آيات عظيمة تكثر في الشتاء كالرعد والبرق والصواعق والمطر. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبل يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك. الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل، موكل بالسحاب بيده أو في يده، مخراق من نار يسجر به السحاب، يسوق حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت الحديث. أخرجه أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر. يقول الله تبارك وتعالى أيضا: ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عمن يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله، هذا البرد الشديد في هذا الفصل الشتاء يذكرنا بنار جهنم وزمهريرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها. رواه البخاري ومسلم. فالنار تشتكي من نفسها، فما ظنكم أيها الإخوة بمن يعذب فيها؟ نسأل الله العافية. وفي الشتاء نستعد لدفع البرد بإخراج الثياب الدافئة، وهذا أمر حسن دفعا للأمراض والأضرار. وهذه الأثواب أيضا تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى، والصوف التي نأخذ من بهيمة الأنعام. قال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لكن إخواني إخوان لنا من الفقراء لم يستعدوا لدفع البرد لقلة ذات اليد. فلا تنسوا إخوانا لكم من أهل الحاجة وتصدقوا عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. تصدقوا عليهم ولو بشيء يسير، وقد يكون عندهم الشيء هذا عظيم، وعند الله الثواب الجزيل. أما من ناحية التعبد، الشتاء بشرة عظيمة للمطيعين المتقين الذين يحبون الله ويخافونه ويرجون ما عنده من الثواب الجزيل لما فيه من تيسير العبادات، وبالأخص الصوم وقيام الليل. عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. أخرجه البيهقي وزاد: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. الشتاء ربيع المؤمن لما ينتفع فيه من الطاعات والقربات، فيطمئن قلبه ويزيد إيمانه. عباد الله، هذه فرصة لنا كي نتقرب من الله تبارك وتعالى. تصومون أو لكم أن تصوموا بدون مشقة، بخلاف السيف فإن نهار يطول. قال أبو هريرة: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء غنيمة ميسرة بدون قتال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حثا لنا على الصيام النافلة: صيام 3 أيام من كل شهر صوم دهر. متفق عليه، صوم الدهر كله متفق عليه. وهكذا أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بصيام 3 أيام من كل شهر، وهذا أمر ميسر في الشتاء لقصر النهار. عبادة أخرى تسهل علينا في الشتاء وهي قيام الليل لطول الليل. بإمكانك أن تصلي شيئا من الليل ثم تأخذ قسطا كافيا من الراحة، فلا تفرط في هذه الفرصة. ولقد أدرك السلف أهمية هذا الزمان، أعني الشتاء، فاشتدت هممهم وقويت عزائمهم. قال عمر رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. وفي الشتاء أمر نذكر به إخواننا، وهو من تيسير الله سبحانه وتعالى علينا: المس على الخفين. المس على الخفين تيسير من الله سبحانه وتعالى لنا، لكن له شروط. يشترط في هذا أن يكون العبد قد لبسهما على طهارة. ثانيا، أن يستر محل الفرض أي القدم والكعبين، وأن يكون المسح عند الحدث الأصغر، ويكون في مدة المقدرة شرعا: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجتهدين في هذا الفصل وفي طول السنة، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، sachez chers frères que parmi les choses les plus profitables pour le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de méditer les grandes créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et les choses qui bougent dans cet univers par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, il y a certes dans les cieux et sur la terre, dans la succession des nuits et des jours, des signes pour ceux qui sont intelligents. Ceux qui invoquent Allah ou se rappellent de lui, étant debout, assis et sur le côté. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre en se disant, « Oh Allah, tu n'as pas créé tout cela en vain. Exempté sois-tu. Préserve-nous donc du châtiment de l'enfer. » Et parmi les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers, la succession du jour et de la nuit, mais aussi la succession des saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et nous venons d'entrer dans cette saison qui est l'hiver. Et dans celle-ci, on se met à l'abri de la chaleur ardente du soleil qu'on a trouvé en été. Dans cette saison, il y a de nombreux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la pluie, comme le vent, comme le froid, comme les éclairs et le tonnerre. Tout cela font partie des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous appelle à méditer sur sa force, sur sa puissance, sur son immensité subhanahu wa ta'ala, et qu'il est donc le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Il nous dit dans son livre qu'il fait descendre la foudre sur qui il le veut et épargne qui il le veut. Ou bien Naam, il nous dit qu'il fait descendre la foudre sur qui il le veut. Ibn Abbas radiallahu anhu nous informe dans un hadith que Ar-Ra'd, comme cela a été cité dans la sourate qui porte ce même nom, est le nom d'un ange. Ar-Ra'd, qu'on traduirait par le tonnerre, est le nom d'un ange qui a un outil dans la main de feu et il dirige les nuages où Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne afin de faire tomber la pluie où Allah tabaraka wa ta'ala l'aura ordonné. Et il nous informe que le son qu'on entend est le son de sa voix. Donc ceci est un signe immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne afin qu'on se souvienne de lui. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'autres signes en nous disant, n'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, ensuite il les réduit et il en fait un amas. Et tu vois la pluie sortir de son sein et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages, comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut et il les écarte, ceux-là de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner le jour et la nuit, ou bien la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer sur ces signes et tirer profit de ces merveilleuses créatures. Dans cette saison, il y a un froid intense qui touche chacun d'entre nous. Et cela doit nous appeler à méditer sur l'enfer. Cela doit nous appeler à avoir peur du feu de l'enfer et rechercher protection près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci, chers frères, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique que l'enfer s'est plaint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'elle-même en disant, oh Allah, mes parties se consument les unes les autres. Oh Allah, mes parties se consument les unes les autres. C'est-à-dire devant la chaleur ardente de celle-ci. Alors Allah Azza wa Jal lui a accordé deux souffles. Un souffle en hiver et un souffle en été. Donc, lorsqu'il y a un froid intense, cela provient d'un des souffles de l'enfer. Et lorsqu'il y a une grande canicule, cela nous provient de l'autre souffle de l'enfer. Si l'enfer s'est plaint de ses propres parties, que dire alors de celui qui devra y entrer afin d'y être châtié, qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer? Et qui pourrait patienter en temps de canicule et en temps de grand froid, en temps de froid glacial dans ce bas monde? Que dire alors de celui qui aura supporté le fait d'être châtié dans le feu de l'enfer? Durant cette saison, il nous faut nous préparer afin de ne pas tomber malade et afin de repousser de nous toute nuisance. Et cela en sortant les vêtements des mada pour l'hiver, les vêtements qui tiennent chaud. Et cela est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que vous avez des frères et que vous avez des sœurs qui, de par la pauvreté qu'ils subissent, n'ont pas les moyens de s'acheter un nouveau manteau ou d'acheter des vêtements pour leurs enfants qui leur tiendront chaud. Alors rappelez-vous de ces gens qui sont dans le besoin parmi vos frères et vos sœurs afin de dépenser de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité. Et rappelez-vous de la parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. » Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Il nous faut donc nous rappeler des gens qui sont dans le besoin et ne pas faire cela que durant Ramadan, que durant le mois de Ramadan. On voit une grande générosité de la part de nombreux musulmans durant le mois de Ramadan, mais nos frères sont dans le besoin, que ce soit le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Donc ne les oubliez pas. Hafidhakumullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'hiver est le printemps du croyant. Et dans une autre version, les nuits sont longues, alors il peut prier, et les jours sont courts, alors il peut jeûner. Cette saison est un bienfait pour le croyant, car il peut accomplir de nombreuses adorations sans grande difficulté. Contrairement à la saison de l'été, dans lequel les jours sont longs et les nuits sont courtes. Ici, dans le mois de l'hiver, tu remarqueras que les jours sont très courts. Alors la personne peut jeûner sans ressentir la faim ni la soif. Et les nuits sont longues. Donc il peut prier ce qu'Allah Azza wa Jal lui aura facilité. Et en plus de cela, avoir le temps nécessaire pour se reposer après ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage dans de nombreux textes à jeûner des jeûnes surrogatoires. Il nous dit par exemple, celui qui jeûne 3 jours par mois aura la récompense d'avoir jeûné toute sa vie. Pourquoi cela? Car chaque jour de jeûne te sera multiplié par 10. Chaque bonne action est multipliée par 10. Donc c'est comme si tu avais jeûné tout le mois. Et si tu fais ça chaque mois, c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie, toute l'année, donc toute ta vie. Et ceci est le bienfait d'Allah qu'il accorde à qui il le veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même encouragé les compagnons à jeûner 3 jours par mois et de préférence le 13e, le 14e et le 15e jour du mois. Mais cela, alhamdoulillah, n'est pas restreint à ces jours. Tu peux jeûner dans le mois 3 jours au choix ou plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait également le lundi et le jeudi. Donc celui qui a la capacité de faire cela, qu'il sache qu'il a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ubayd ibn Umayr nous disait lorsque l'entrée de l'hiver arrivait, « Ya ahl al-Qur'an, qad tala laylukum lil-qira'ati faqra'u, wa qasura naharukum lil-siyami fasoumu. » Il disait et conseillait les gens, « Oh vous les gens du Qur'an, vos nuits sont longues, alors lisez le Coran et vos jours sont courts, alors jeûnez. » Et c'est ainsi que se comportaient les pieux prédécesseurs à l'entrée de l'hiver. Ils se réjouissaient et augmentaient leurs adorations et faisaient preuve de dynamisme et de motivation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fait de jeûner en hiver est un butin froid, c'est-à-dire acquis sans grande difficulté, acquis sans combat. Ici, on nous montre l'importance de tirer profit de cette saison. Et la chose par laquelle nous allons conclure, c'est quelques règles dont on peut avoir besoin durant cette saison. Premièrement, certaines personnes ont du laxisme dans le fait de parfaire leurs ablutions, la purification. Et cela à cause du froid. Sachez, chers frères, qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas une prière de la personne qui n'aura pas fait ses ablutions convenablement. Le deuxième point est que durant la saison de l'hiver, on a tendance à porter des chaussettes ou des chaussons. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal nous a permis, lors des ablutions, de ne pas enlever nos chaussettes dans certaines situations. Ce qu'on appelle al-mas al-khuffayn. Celui qui, après avoir fait ses ablutions, a enfilé ses chaussettes ou ses chaussons, aura la permission, lorsqu'il voudra refaire ses ablutions après avoir perdu l'eau d'eau, de passer ses mains mouillées sur ses chaussettes. Non pas sous ses chaussettes, mais au-dessus, sur la partie supérieure du pied. Celui qui veut faire cela doit savoir qu'il y a des conditions. La première condition, c'est le fait d'avoir enfilé ses chaussettes après avoir fait ses ablutions. Celui qui a mis ses chaussettes et qui n'avait pas al-wudu sera obligé d'enlever ses chaussettes pour refaire ses ablutions. Donc si tu as fait tes ablutions et ensuite tu as enfilé tes chaussettes, au moment de refaire al-wudu, tu n'es pas obligé d'enlever tes chaussettes, mais tu pourras passer tes mains mouillées sur tes chaussettes. La deuxième condition, c'est que tes chaussettes couvrent la partie obligatoire à laver à la base, c'est-à-dire le pied et les chevilles. La troisième condition, c'est que cette impureté, ou bien le hadath, soit le hadath al-asra, ça doit être les petites ablutions et non pas al-rusl, comme pour la personne qui est en état de janaba. La condition suivante concerne le temps, la durée dans laquelle tu as le droit d'effectuer l'essuyage des chaussettes. Pour celui qui n'est pas en voyage, cette durée est d'un jour et d'une nuit, donc de 24 heures. Et pour celui qui est en voyage, 3 jours et 3 nuits. Et la durée, tu pourras la comptabiliser après avoir passé tes mains mouillées sur tes chaussettes une première fois, et non pas après avoir enfilé tes chaussettes. Donc si tu fais le wudu, ensuite que tu enfiles tes chaussettes et que ces chaussettes couvrent la partie obligatoire à laver à la base, et que tu perds l'eau, lorsque tu veux refaire tes ablutions, tu pourras passer tes mains sur tes chaussettes. Si tu as mis tes chaussettes aujourd'hui à midi et que tu perds l'eau à 14 heures, mais que tu refais l'eau à l'heure du asr, en passant tes mains mouillées à l'heure du asr sur tes chaussettes, tu auras jusqu'au lendemain à Salat al-Asr pour passer sur tes chaussettes. Et le dernier point, al-jam' 'inda al-matar. Sachez qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis de réunir entre les prières lors de la tombée de la pluie afin qu'il n'y ait pas de difficulté pour les croyants. Donc s'il y a de la pluie à l'heure du dhuhr ou bien à l'heure du asr, nous avons la permission et nous mettrons en pratique cette sunna. Nous unirons donc entre le dhuhr et le asr, que ce soit l'heure du dhuhr ou que ce soit l'heure du asr. Et de la même façon pour Al-Maghrib et Al-Isha. S'il pleut à l'heure du Maghrib, alors on unira entre la prière du Maghrib et la prière du Isha. Et Alhamdulillahi Rabbil Alameen, il y a deux jours, un de nos chers pères est venu nous voir pour nous informer que sa fille allait subir une lourde opération. Cette opération a eu lieu hier ou avant-hier. Elle a duré 5 heures, alhamdulillah. Contrairement à ce qu'avaient dit les médecins, qu'il n'y avait aucune chance, Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui décide de ce qu'il veut, a décidé qu'il en sera autrement, et la fille de notre cher père a pu vivre, alhamdulillahi rabbil alameen. Fanas'Allah tabaraka wa ta'ala, ayyamunna alayha bishifa al-kamila, wa yutawwila umraha على الإيمان وعلى السنة كما أسأل تبارك وتعالى أن يحفظنا على الإسلام قائمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك